ça ne vous intéresse pas. Vous préférez revenir à la Sorbonne. Comme c'est bizarre. Il entre dans la cour de la Sorbonne. Il entre. Dans la cour de la Sorbonne. Il entre dans la cour de la Sorbonne. Où Robert va-t-il ensuite? À la Sorbonne. Il semble chercher. Il semble chercher quelque chose. Quelque chose ou quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait dans la cour de la Sorbonne ? Il cherche quelque chose ou quelqu'un. Il entre dans le jardin du Luxembourg. Il y a une jeune fille sur un banc. Sur un banc. Il y a une jeune fille sur un banc. Qui est-ce ? Ce n'est pas Mireille. Où va-t-il quand il sort de la Sorbonne ? Au Luxembourg. Qu'est-ce qu'il voit sur un banc au Luxembourg ? Une jeune fille. Est-ce que c'est Mireille ? Non, ce n'est pas Mireille.